Would you like to be my lover? Would you like to be my lover? Digitalo, c'est chaud, intime. Haha, Digitalo, c'est chaud, intime devant te. On mettra le feu, devant te. On mettra le feu. RL, RL, merveille, merveille. Digitalo, c'est chaud, intime. Raga mia, je te veux, amore mio. On le fait quand tu veux. Raga mia, tu veux le faire devant te? Pas de problème, j'adore ce lieu. Raga mia, je te veux, amore mio. On le fait quand tu veux. Raga mia, tu veux le faire devant te? Pas de problème, car j'adore ce lieu. Tu es si intelligente, chaude, merveilleuse et ténébreuse. Laisse-moi te toucher, mon bébé, je vais te faire heureuse. Viens chez moi, le champagne sur ta peau crémeuse se fondera avec nos sueurs. Je vois que tu n'es plus rêveuse. Donne-moi ton corps, fais-toi plaisir, réalise mes désirs. Je t'aime bébé, tu es trop bonne. Tu es mon élixir. Raga mia, je te veux, amore mio. On le fait quand tu veux. Raga mia, tu veux le faire devant te? Pas de problème, j'adore ce lieu. Raga mia, je te veux, amore mio. On le fait quand tu veux. Raga mia, tu veux le faire devant te? Pas de problème, car j'adore ce lieu. Ton parfum sur mes drames, des souvenirs trop vilains. Ma vie est superbe avec toi. J'aime jouer avec mes mains. Je glisse sur ton corps qui est le mien. Tu es mon rythme cardiaque. Tu es mon genre, mon beat aphrodisiaque. Tu es mon style, je deviens maniaque. Tu es Saori et moi, yoga. Les chevaliers du Zodiac. Raga mia, je te veux, amore mio. On le fait quand tu veux. Raga mia, tu veux le faire devant te? Pas de problème, j'adore ce lieu. Raga mia, je te veux, amore mio. On le fait quand tu veux. Raga mia, tu veux le faire devant te? Pas de problème, car j'adore ce lieu. Raga mia, je te veux, amore mio. On le fait quand tu veux. Raga mia, tu veux le faire devant te? Pas de problème, j'adore ce lieu. Raga mia, je te veux, amore mio. On le fait quand tu veux. Raga mia, tu veux le faire devant te? Pas de problème, car j'adore ce lieu. Would you like to be my lover?